je rappe, ce jour depuis je rappe, ce jour de douleur. J'ai perdu un être qui me tenait à cœur. Sans elle, je n'arrive plus à penser. Depuis ce jour-là, je suis défoncé. Je me sens seul, je me sens boycotté. Je me sens mis de côté. Je n'ai qu'une seule chose à dire, qu'Allah te protège, toi et tous les haïs qui sont décédés. Tu me manques, tu n'imagines pas à quel point c'est une partie de moi qui s'est envolée. Mashallah, elle faisait la guerre. Elle m'a évité de faire des conneries. Ici, tu vas bien, ne te fais aucun souci. C'est toi qui m'as élevé, c'est toi qui m'as éduqué. C'est toi qui m'as fait pleurer pour la première fois. C'est toi qui m'as donné la foi d'exister. C'est toi qui m'as donné la foi dans l'état fait. Je me souviens tous ces jours qu'on a passé ensemble. Je n'arrivais pas à croire mes yeux le jour où tu t'es envolé. Je n'arrivais pas à croire que dans cette vie je te verrai plus. Tu fais partie de mon vécu. C'était une femme qui avait la main sur le cœur. Chaque jour je rêve de ton visage enchanté. Alors que j'exprime mon mal-être, t'étais ma raison d'être. T'étais ce que j'avais de plus cher au monde. Repose en paix. Inch'Allah qu'un jour je serai comme toi. Les briques ou une motalique, je pleure pour toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mon cœur a pris un coup et je n'arrive plus à me relever. Si tu savais le jour où je regrette de ne pas t'avoir écouté. J'aurais dû rester à tes côtés. Depuis que t'es parti, y'a plus de famille, y'a plus de repas le samedi. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Depuis ce jour-là, je suis en transe. Mémé, pourquoi t'es parti? La vie est cruelle, c'était toujours les bons qui partent les premiers. Alors je n'ai qu'une seule chose à dire, reposer en paix.